il avait cru pouvoir se passer d'elle. Elle lui avait manqué atrocement. Il l'avait recontactée. Elle lui avait répondu. Puis il l'avait invitée à la coupole. Il ne savait pas si elle viendrait. Elle était venue. Ils avaient dîné à la table qu'ils occupaient lorsqu'ils se voyaient avant.